Elle se balance entre deux airs, un côté sombre, un côté clair. Elle dort complètement réveillée, elle joue à faire mieux qu'exister. Elle se balance entre deux ciels, l'un sous ses pieds, l'autre au-dessus d'elle. Elle vit encore à l'heure d'été, elle veut qu'il fasse beau toute l'année. Côté soleil, elle est mariée, elle est heureuse, elle est aimée. Côté sommeil, elle a envie d'avoir un autre homme dans sa vie, mais sans faire de mal à personne. Côté sommeil, elle déraisonne. Elle se balance entre deux gammes, de mélodie en mélodrame. Elle joue au mieux la bonne épouse, les yeux sur la ligne bleue du blues. Elle se promène entre deux crimes, à la fois vilaine et sublime. Elle aimerait bien mourir des heures sur toutes ces années de bonheur. Côté soleil, elle est mariée, elle est heureuse, elle est aimée. Côté sommeil, quand elle délire, c'est un jeune homme qu'elle fait souffrir, mais sans vouloir lui faire de peine. Côté sommeil, elle se déchaîne. Elle se balance entre deux ailes, un côté sombre, un côté clair. Elle dort complètement réveillée, elle veut qu'il fasse beau toute l'année.